docteur Benganem, vous êtes réanimatrice dans le service de médecine intensive réanimation à l'hôpital de Cochin à Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce podcast Ligne de Mire, dans lequel vous allez nous parler de la neuropronostication après un arrêt cardio-respiratoire. On va commencer avec une première question. Qu'est-ce que la neuropronostication? Pourquoi est-elle essentielle après un arrêt cardio-respiratoire? Chez quel malade et dans quel délai doit-elle être réalisée? La neuropronostication est une démarche qui consiste à évaluer précocement le pronostic neurologique de patients comateux, ce qui est particulièrement important dans différentes situations rencontrées en réanimation et notamment après un arrêt cardiaque. Elle vise à estimer les chances de récupération sur le plan neurologique ou au contraire à prédire la persistance de séquelles fonctionnelles sévères et irréversibles à long terme. Chez un patient qui présente un coma après un arrêt cardiaque, cette évaluation est essentielle afin d'adapter au mieux l'intensité des thérapeutiques. Il s'agit en effet de ne pas maintenir des soins invasifs chez des patients qui vont présenter des séquelles neurologiques lourdes, ou au contraire de ne pas arrêter les différentes thérapeutiques de support d'organes chez des patients avec un potentiel de récupération. En effet, environ 80% des patients présentent un coma à l'admission en réanimation après un arrêt cardiaque. La plupart d'entre eux vont présenter un réveil dans les 72 premières heures post-arrêt. Pourtant, il existe également des patients qui vont présenter un réveil tardif et une évolution favorable, décrite dans la littérature jusqu'à 12 à 25 jours post-arrêt cardiaque selon les études. Une étude menée dans notre service a mis en évidence que les variables indépendamment associées au retard de réveil étaient l'âge supérieur à 59 ans, l'état de choc post-résuscitation, l'insuffisance rénale aiguë à l'admission et la sédation par midazolam. Concernant l'effet résiduel de la sédation, on observait dans l'étude un délai médian de réveil de 17 heures en cas de sédation par midazolam, avec des réveils tardifs jusqu'à J12. À l'inverse, le délai médian de réveil était de 2 heures en cas de sédation par propofol, avec des réveils tardifs jusqu'à J5. Ces données devraient inciter les réanimateurs à utiliser des drogues à demi-vie courte afin d'évaluer le plus précocement possible l'état neurologique du patient. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé dans cette situation, notamment dans les recommandations européennes. Ainsi, selon les recommandations mises à jour en 2021 par l'European Resuscitation Council et la Société européenne de soins critiques, l'ESIGM, la neuropronostication doit être envisagée en cas de trouble de conscience persistant, défini par un score de Glasgow moteur inférieur ou égal à 3, à plus de 72 heures après l'arrêt cardiaque et en l'absence de facteurs confondants ou d'autres causes d'encéphalopathie. Qui nous amène à notre deuxième question. Quels sont les outils à notre disposition en 2024 et quelle est la place de chacun d'eux? Alors actuellement, les recommandations sont principalement centrées sur les marqueurs prédictifs de l'évolution défavorable, définis dans la majorité des études comme des séquelles neurologiques lourdes, un coma persistant ou le décès. Six marqueurs sont reconnus individuellement comme hautement prédictifs de l'évolution défavorable, car ils ont une spécificité élevée et un taux de faux positifs relativement faible. Pour commencer, deux marqueurs cliniques peuvent être utilisés. Le premier, c'est l'abolition bilatérale du réflexe cornéen et du réflexe photomoteur à plus de 72 heures post-arrêt. Concernant le réflexe photomoteur, il est actuellement recommandé d'utiliser un dispositif de pupillométrie automatisée, celui-ci intégrant plusieurs paramètres de la réactivité pupillaire au sein d'un score qu'on appelle le Neurological Pupil Index, NPI. Ainsi, un NPI inférieur à 2 sur 5 est reconnu comme plus spécifique que l'abolition qualitative du réflexe photomoteur. Le second critère clinique, c'est l'existence d'un status myoclonus ou état de mal myoclonique précoce, c'est-à-dire apparu dans les 72 premières heures post-arrêt cardiaque. Ce status myoclonus est défini comme des myoclonies diffuses, continues et qui durent plus de 30 minutes. C'est une définition clinique, mais l'existence de myoclonies doit par ailleurs inciter le réanimateur à réaliser un électroencéphalogramme afin de différencier des myoclonies épileptiques, donc avec des crises ALEG, de myoclonies non épileptiques, c'est-à-dire liées à l'encéphalopathie post-anoxique sévère. Concernant les marqueurs neurophysiologiques, l'EEG et les potentiels évoqués somesthésiques, PES peuvent être utilisés. L'EEG peut être réalisé à partir de 24 heures post-arrêt cardiaque et doit être réalisé idéalement sans sédation ou à la dose minimale efficace si la sédation a été réintroduite. En effet, certaines données récentes suggèrent que la sédation à faible dose ne modifie pas la valeur pronostique de l'EEG, en particulier quand le propofol est utilisé à moins de 3 mg par kilo et par heure, dans l'étude de Ruijgers. Ça ne peut pas induire un EEG de suppression ou de beurre suppression. Les différents aspects EEG sont extrêmement bien corrélés à la sévérité de l'encéphalopathie et les recommandations actuelles proposent d'utiliser la terminologie de l'American Clinical Neurophysiology Society, ACNS, qui classe les aspects EEG en trois catégories. Les patterns hautement malins, c'est-à-dire de suppression ou de beurre suppression. Les patterns malins, qui incluent des tracés discontinus, microvoltés, c'est-à-dire de faible amplitude, arrêts actifs, les crises et les anomalies périodiques diffuses et abondantes. Et enfin, les patterns bénins, c'est-à-dire dépourvus des anomalies précédemment citées, donc en gros un tracé continu d'amplitude normale et réactif. La présence d'un pattern hautement malin est ainsi hautement prédictif de l'évolution défavorable. Concernant les potentiels évoqués somesthésiques, il s'agit de recueillir la réponse évoquée à une stimulation somesthésique. On recherche la réponse N20 au niveau de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et donc l'absence bilatérale de N20 est reconnue comme le marqueur le plus robuste pour prédire l'évolution défavorable. À propos des biomarqueurs, les recommandations suggèrent d'utiliser la neurone spécifique énolase ou NSE, un biomarqueur sanguin de souffrance neuronale. Un taux de NSE supérieur à 60 microgrammes par litre à 48 et ou 72 heures post-arrêt est ainsi considéré comme hautement prédictif de l'évolution défavorable, tout comme la cinétique ascendante de NSE entre 24, 48 et 72 heures. Enfin, l'existence de lésions diffuses et extensives, anoxo-ischémiques à l'imagerie cérébrale, est le dernier critère prédictif du mauvais pronostic. On peut ainsi observer un œdème cérébral ou une perte de la différenciation substance blanche-substance grise à la tomodensitométrie, bien que ce soit un critère relativement peu sensible. Et on peut observer un hypersignal en séquence de diffusion au niveau du cortex et des nuages gris centraux à l'IRM cérébral. Chacun de ces six critères n'étant pas 100% spécifique de l'évolution défavorable, il est important d'utiliser une approche multimodale, c'est-à-dire de considérer au moins deux critères sur les six prédictifs pour prédire l'évolution défavorable. Enfin, en cas de marqueur discordant, par exemple un taux de NSE bas, un EEG bénin ou une IRM normale, les recommandations suggèrent d'attendre et de réévaluer l'état neurologique du patient. Concernant les performances de cet algorithme, nous avons des données récentes issues du réseau de recherche francophone AfterOSC qui suggèrent que cette approche multimodale, elle permet de classer environ 50% des patients inconscients en post-arrêt cardiaque. Ainsi, la mise en évidence de nouveaux marqueurs du pronostic défavorable, mais également favorable, est un enjeu majeur pour optimiser l'évaluation du devenir de ces patients. Et dernière question, quelle nouvelle piste pour améliorer la neuropronostication dans les années à venir? Alors, une première piste pour améliorer l'algorithme actuel de neuropronostication, c'est la mise en évidence de marqueurs du pronostic favorable. En effet, l'identification précoce, c'est-à-dire dans les premières 24 à 72 heures post-arrêt cardiaque, de critères favorables pourrait inciter le réanimateur à maintenir, voire à intensifier les thérapeutiques invasives de réanimation chez des patients qui peuvent parfois nécessiter la mise en place d'une ECMO, d'une épuration extrarénale. Ou encore une chirurgie urgente en cas d'ischémie mésentérique, par exemple. Les critères de bon pronostic ne sont pas l'inverse ou le miroir des marqueurs de mauvais pronostic. Par exemple, la persistance des réflexes du tronc cérébral, la présence bilatérale de N20, l'absence d'anomalie à la tomodensitométrie et l'absence de myoclonie n'ont pas une bonne valeur pronostique. En revanche, un EEG bénin et l'absence d'anomalie diffuse et extensive à l'IRM cérébral semble hautement prédictif de l'évolution favorable. La cinétique descendante de NSE entre 24 et 72 heures ou un taux de NSE bas, c'est-à-dire inférieur à 17 ou 41 microgrammes par litre, à 48 ou 72 heures post-arrêt selon les études, sont également considérés comme des drapeaux verts. Enfin, l'amplitude de la réponse N20 supérieure à 3 ou 4 microvolts selon les études semble également associé au pronostic favorable. Il est ainsi probable que ces différents marqueurs soient intégrés dans les prochaines recommandations sur la neuropronostication post-arrêt cardiaque. Une autre piste pour réduire la zone d'incertitude, c'est la mise en évidence de nouveaux outils pronostiques. De nouveaux biomarqueurs sont actuellement en cours d'évaluation, comme le neurofilament light chain, NFL. Ce biomarqueur de lésion neuroaxonale semble présenter une valeur pronostique supérieure à la NSE à 48 et 72 heures. Il semble également hautement prédictif de l'évolution neurologique dès 12 ou 24 heures post-arrêt, ces données nécessitant d'être confirmées à plus grande échelle. L'analyse quantifiée du signal EEG via des algorithmes d'intelligence artificielle pourrait également être une piste intéressante, permettant d'analyser, de réaliser des analyses de connectivité ou de complexité du signal cérébral. Les potentiels évoqués auditifs pourraient également être prometteurs. En effet, ces réponses évoquées à une stimulation auditive pourraient refléter la capacité du patient à détecter la déviance acoustique dans un paradigme auditif, reflétant ses capacités cognitives résiduelles. Ainsi, ces réponses, appelées potentiel évoqué auditif tardif ou potentiel évoqué cognitif, semblent hautement prédictifs du réveil. Les données concernant des séquences spécifiques d'imagerie, telles que le tenseur de diffusion avec analyse de la fraction d'anisotropie en IRM morphologique, semblent également intéressantes, tout comme l'utilisation de l'IRM fonctionnel qui permettra d'évaluer les structures cérébrales activées à l'état de repos ou lors d'une stimulation externe. En conclusion, les avancées sur la neuropronostication ont été absolument majeures ces 10 dernières années. Et on peut espérer que l'identification de nouveaux marqueurs permettra encore de réduire la zone d'incertitude pronostique en post-arrêt cardiaque, mais également dans d'autres étiologies d'agression cérébrale aiguë nécessitant une admission en soins critiques. Merci, docteur Benganem, d'avoir répondu à nos questions sur la neuropronostication en réanimation après un arrêt cardio-respiratoire.